بسم الله الرحمن الرحيم. فماذا يا إخواننا؟ فدعوتنا عندنا أغلى من الذهب وأغلى من أرواحنا، أغلى من أرواحنا التي هي عندنا أغلى من الذهب، فلسنا مستعدين أن ندنجها ولا أن نلوثها، ولكن دعوة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وسنة فيهما النجاة، وخلاف الكتاب والسنة لا يؤدي إلى بر الأمان. الدعوة السلفية باليمن. على plaisir de vous présenter. انهزام الحق يبرز نفسه. أي والله بارك الله فيكم. تجلد للتصدي بعد سنين من الكلام، ذهب يبخش يبخش يبخش ما يجد له من الانتقادات، وجد قضية الجامعة ففشل فيها فشلا ذريعا. ولا إله إلا الله، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. قال وقع في مسلك أعداء هذه الجامعة من أهل الأهواء. لا والله، أنا وقعت في مسلك أهل السنة. كلامي كلام أهل السنة في هذه المسألة بالذات، هو كلام المشايخ السعودية وكلام الذين عايشوها من طلاب العلم والذين رأوا ما فيها. كيسكون تخديس الباطل، أما الحق لا، فلهذا تدخل فات كونتراديكسيون في كتاب الله أبدا. C'est pour cela que tu trouves pas de contradiction في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. انهزام الحق يبرز نفسه. أي والله بارك الله فيكم. طهمونير ابن أحمد المغربي حفظه الله تعالى. كور نيميرو 2. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، تقدم معنا في الدرس السابق مقدمة في خطورة التناقض، la gravité, le danger de se contredire fi dinillah azza wa jal. On a cité kalam al-a'imma Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahmatullah alayhi wa tilmidhuhu al-imam Ibn al-Qayyim, kadhalik Cheikh al-Allama al-Uthaymeen rahmatullah alayhi fi talkhis al-Hamawiyya. On avait cité kadhalik kalam Cheikh Salih al-Sheikh fi sharh al-Hamawiyya. واستفدنا ولله الحمد. Et on avait cité cette muqaddimah pour démontrer la gravité كما تقدم de se contredire. ثم ان شاء الله à partir d'aujourd'hui on cite بعض التناقضات التي حصلت في هذه الفتنة. On cite des contradictions claires, des choses واضحة. Inch'Allah, on va citer avec les sources, si on peut avec la date, des choses, des contradictions claires qui sont apparues dans cette fitna. Et ça montre. Et Inch'Allah, on va démontrer et on va appuyer. Ça montre أن هؤلاء sont على باطل. لأن الحق لا يتخذ. فنقول وبالله التوفيق. التناقض الأول، première مسألة qu'on va ناقش إن شاء الله تعالى، مسألة الجامعة الإسلامية وفقها الله. première مسألة، et on l'a cité au début، لأن la fitna elle s'est amplifiée, elle s'est propagée akthar à partir de cette mas'ala. Wa al-khulasa, et on répète nahnu, on va pas détailler les masa'il huna, comme on a expliqué dans le premier dars de cette silsila qu'on va faire fi at-tanaqudat hadi. On avait expliqué anna le but nahnu c'est de montrer les contradictions faqat. On va pas rentrer dans la mas'ala et fassal la. Nous, on va citer des choses et montrer la contradiction. Amma mas'alat al-jami'a, تقدم كثير هذا دي ليفر او دي رسائل اللي زوجتي كري الشيخ يحيى حفظه الله الى الى دي زوجو في هذا مساله انا معروفه لكن نحن واش كي نو زانتريس الان سي التناقض كي سي باسي اي لا شك اون سيترا دي شوز لا شك هذا pour montrer cette contradiction là qui n'en détaillera pas. لقد يقول قائل او une personne elle peut écouter le dors et se demander des détails اكثر ان شاء الله elle fait des recherches et elle trouvera في غير هذه الدروس دي ديتاي. أما نحن نغبت المهم هنا هنا الدرس نحن بخيسي هنا بيت بخيسي سيد منتخي دي كونتراديكسيون فقط. فالخلاصة من هذه المسألة أن الشيخ يحيى حفظه الله وفاسيتي سن كلام إلى السيتي حفظه الله أنا في الجامعة الجامعة الإسلامية في المدينة فيها حزبيون الشيخ يحيى السيتي هكذا. Et il a mis en garde celui qui va dans cette jami'a, il l'a mis en garde contre ses hizbis, de ne pas se mélanger à eux. Al-Sheikh Ubaid al-Jabiri, hadahullah, il a réfuté le kalam de Sheikh Yahya. Mais on va voir, le kalam de Sheikh Yahya, il était ancien. Mais quand on a commencé cette fitna, ce kalam il est ressorti. Alors que normalement, si le kalam il était batil, le kalam, ba'd al-Nas, qui prétendent Nsar al-Haq, ils auraient dû répondre, réfuter ce kalam. Al-Batil yunkar. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih. Fa illam yastati' fa bilisan. Al-Hadith. Thumma Sheikh Ubayd il a répondu. Thumma Sheikh Yahya il a répondu. Thumma. On va citer kalam ba'd ahl al-ilm fil jami'a. Et on va voir qu'il y a des contradictions wadiha. Quand Sheikh Yahya il parle, yaruddun. Quand un autre il parle des kalams achat, un kalam plus dur que celui de Sheikh Yahya fil Jami'a, tu verras que personne ne réplique. Et c'est un tanaqud. Contradiction. Et le tanaqud, ça montre al-butlan. Si Sheikh Yahya il a raison, comme les autres mashayikh qui ont parlé, ils ont raison, tu n'as pas le droit de répliquer sur Sheikh Yahya, tu n'as pas le droit de contredire le haq. Si Sheikh Yahya il s'est trompé, et tu as rod, allez. T'as répliqué, tu dois répliquer sur ceux qu'ils ont parlé. Une personne elle va délaisser le qawl de Sheikh Yahya. Pour eux, il est batil, mais il va prendre le qawl d'un autre qui a critiqué, comme on va voir. Le qawl de Sheikh Abbad, le qawl de Sheikh Mohammed ibn Hadi, le qawl d'Abdurrahman Adani lui-même. Elle est mal dans la réplique sur Sheikh Yahya. Ça, c'est un bref résumé. Qala Sheikh Yahya, A'azzahullah. قال فعلى هذا إذا درست في الجامعة الإسلامية فكن على حذر جدا من أولئك المجالسين للحزبيين. شيخ يحيى conseille si tu étudies à la jami'a, ça montre qu'il n'interdit pas d'étudier à la jami'a. لأن il interdirait, il aurait dit n'étudie pas أصلا. Et نحن نعرف الشيخ أنه ولله الحمد لا يخاف الله لومة لائم. Il aurait voulu dire que c'est interdit, il l'aurait dit, c'est interdit. Lakin là, si tu étudies, هنا, et on va voir un kalam sarih, un Sheikh Yahya, il montre qu'il y a du khayr. Lakin, هنا c'est un tanbih. Si tu étudies, هنا, فانتبه, هنا, il y a des hizbi. فانتبه de ne pas te mélanger à haoula. Non, c'est hatayib. Dans chaque endroit où il y a des ashra, que ce soit fil jami'a, que ce soit autre, فلا لا يجوز de se mélanger à أهل الباطل. نحن quand on était à Dammaj و الحزبية هذه elle était apparue au départ, ثم ils ont appelé à cette حزبية, il y avait des حزبي à Dammaj. Sheikh Yahya lui-même il mettait en garde, انتبهوا من فلان, فلان il arrête de faire des دروس, ثم il a renvoyé فلان. إلا أنهم c'était des أصحاب شر, et ils étaient à Dammaj. لا يجوز واحد يجي لا, il n'y avait pas de mubtil, il y en avait. Lakin, alhamdulillah, Sheikh Yahya et ses élèves, ils ont tout fait pour se débarrasser de ce champ. Walillah, alhamdulillah, ils sont partis. Hada. Amma, fermer les yeux, et faire comme s'il n'y avait pas de char alors qu'il y a du char, ça fait du mal. Ça fait du mal. Les anoum, ils vont se propager, ils vont se propager. Hatta yatamakkan. À l'époque du prophète, alayhi salatu salam, dans son masjid, munafiqoun qui venait faire salat ma'an nabi alayhi salatu salam. هذا le fait que Sheikh Yahya حفظه الله تعالى il dit أن في الجامعة يد حزبي الحقيقة أكثر الناس يصاب cette chose حتى ceux qui soutiennent Cheikh Ubayd, ils savent très bien hada. Et en haqiqa, ce n'est pas un ta'am fil jami'a. Au contraire, c'est ta'awun wa nusr. On s'entraide tous. On met en garde contre haoula et on fait du'a. Et asa Allah subhanahu wa ta'ala yutahhir hadhihi al jami'a min haoula. On va fermer les yeux, ça sert à quoi? Cheikh Yahya, il l'a dit. T'as essayé de répliquer, un autre, il l'a dit. Un autre qui connaît le jami'a plus que toi, qui a plus de ilm que toi. Cheikh Abdel Mohsen Al-Abba, il a démontré que le jami'a fiha ma fiha. كذلك الشيخ محمد بن هادي زياتي كلامه فأليه الفائدة إلا تناقض وفضائح. قال الشيخ والحمد لله يوجد مدرسون سلفيون أي في الجامعة. الشيخ يحل الآن يمي أن قاف كونتر الأشراء يمي أن قاف كونتر الحزبيين كي سون هناك et en même temps يرحمك الله يقول والحمد لله يوجد مدرسون سلفيون أي في attention حزبي et rapproche-toi des salafis qui sont là-bas. أنا ما أدري كم بعض الناس شيخ عبيد أط يرد على هذا. نورمال ما والله تتعاون معه. يتولي جزاك الله خير. ينفع دي زفور أنصم. نورمال ما سيسا السلفي يسنتخد avec السلفي contre هؤلاء. أما الآن الحزبيون ils sont موجودون هناك. Personne peut renier هذا. Personne. حتى الشيخ عبيد أظن il reconnaît هذا au fond de lui. Normalement on s'entraide pour combattre هؤلاء أصحاب الضلال. أما entre nous وهم يتفرجوا سكي الآن كي تقاليوا من هذا دستو فتنا كي سكا بخبتي سأهل السنة أبدا. قال ويوجد طلاب سلفيون تجلس معهم إن شاء الله. شيخ حاء الآن نص كلامي هذا أنه يدي طلاب يدي مدرسون كي سون سلفي يدي طلاب كي سون سلفي اي كونسي تجلس معهم غيست avec هؤلاء. قال وما لا يدرك كله لا يترك جله. Cheikh Yahya Al-Ani démontre que ce n'est pas une raison pour délaisser complètement le jami'a. Là, tu fais attention au hizbi, tu profites de Ahl al-Sunnah. Tu ne peux pas te mélanger à tout le monde, il y a des hizbiyyoun. Lakin, comme il dit, « Ma la yudrak kulluh, la yudrak kulluh. »« Qala wa dirasatuka fil jami'a ma'al hadar al-shadid min al-hizbiyyin khayrun min al-jahl. » Le fait que tu étudies fil jami'a et tu fais attention, tu ne te mélanges pas à Ahl al-Tahazzub, c'est mieux que de rester ignorant. Al-an, est-ce que tu comprends min hadha al-kalam anna al-shaykh il interdit d'étudier fil jami'a? Abadan. Qala wa dirasatuka fil jami'ati al-islamiyya ma'a al-wuqu' fil hizbiyya wal bid' wal khurafat al-jahl khayrun min dhalik. Ta'ammal. Al-an, le fait d'étudier fil jami'a al-islamiyya il se mélange à ahl al-tahazzub. Wallahi fiha al-sururiyya, fiha al-qutbiyya. Aya tu'a sayyid qutb. Yada khawarij. Il y a des ikhwan. Wallah, il y a même بعض الصوفيه. Ils viennent apprendre pour معلوم هذا. Ils veulent des diplômes pour après avoir des mosquées. Pour... Wallah, il y a بعض الناس des طلاب, ils nous ont témoigné, ils ont vu des gens, des طلاب qui fument, des طلاب qui regardent la télé, des ساكين. Wallah, il y en a des juhal. Il vient, il s'inscrit et il a un but de dunya faqat. Fait se mélanger à haoula, tu peux faire beaucoup de mal à ton team. Tu es venu avec une bonne niya pour apprendre, tu te mélanges, rubama le cycle de 4 ans, après les 4 ans, Rubama Sotalib, il a des afkars de Sayyid Qutb, il a des afkars de Ikhwan. En se mélangeant à Haoula. Famine al-Nasiha, c'est un tabihi, akhi. Wallahi, de rester à l'Al-Jal, c'est ahsan. T'as un salafi à l'Al-Jal, c'est ahsan. Wal-Aidoubla prendre le risque de devenir Ikhwan. Hada, c'est ça le tafsil de Shir. Amma, étudier al-Jami'a et rester avec les mudarris salafi et avec les tolab salafi et écouter Nasiha al-Ilm, s'écarter d'eux, c'est tayyib. C'est طيب كما قال الشيخ قال الجهل الذي انت فيه ببراءتك من الحزبيه الحزبيه بدعه وانت على السنه. هذا الان كلام ده الشيخ تفصيل. يا دي جون ده السنه tu te mélanges avec eux, tu restes avec eux, tu es à la khair. يا دي جون ده الحزبيه fais attention, étudie avec les gens de la sunna, c'est un khair, tu t'écartes de l'hizbiyya. Se mélanger avec les hizbiyyin en prétendant étudier, tu vas te faire du mal. كلام الشيخ سي هذا نقل الى الشيخ عبيد هذا الكلام لكن ils ont pas tout cité. ماذا قال؟ ils ont rapporté à الشيخ عبيد هداه الله قول الشيخ يحيى قال ils ont rapporté à parole du الشيخ يحيى ودراستك في الجامعه الاسلاميه مع الوقوف في الحزبيه والبدع والخرافات Al-jahl khayr minha, khayrun minha. Ils ont apporté ce kalam à Cheikh Ubayd. Cheikh Ubayd, il a compris Al-Nashirihay m'en garde mutlaqan contre Al-Jamia. Aïe, il ne faut pas étudier Al-Jamia al-Islamiyya, léana, tu peux tomber dans le Hizbiyya et rester ignorant, c'est mieux que d'être Hizbi. Cheikh Ubayd, il a répliqué ala hada al-kalam. فأخرج الشيخ عبيد الجابري ردا على الشيخ يحيى أسماه إلى أبلس رد التقريرات العلمية في الذب عن الجامعة الإسلامية en 1429 le 28 du mois de Safar 1429 الشيخ عبيد il a sorti ce rad رد عليه الشيخ يحيى الشيخ عبيد son rad مجملا أنه il reproche à الشيخ يحيى لماذا تجي الجامعة لحزبية بحتة. Aïe, c'est tous des Hizbi, est interdit d'étudier. Hakada son rab, il est fondé sur ça. Alors, on a lu le kalam Cheikh Yahya complet. Est-ce qu'il dit le Jami' al-Islamiyya, c'est tous des Hizbi? Abadan. Qala yujad mudarrisun salafiyyun. Qala wa yujad tullab salafiyyun. Des tullab et des mudarris. Donc, on ne peut pas dire que tout le monde, هناك, c'est des Hizbi. Abadan. Est-ce que Cheikh Yahya est interdit mutlaqan d'étudier le Jami'a? La. Qala wa dirasatuka fil Jami'a ma' al-hadar. Al-shadid min al-Hizbiyyin khayrun min al-jahl. Il a appelé ça du khayr. Alimad de dire que Cheikh Yahya est interdit d'étudier le Jami'a. Farad al-Sheikh Yahya, Hamidahullah, ala rad Cheikh Ubayd, al-Taqrirat, le rad qu'on a cité avant, 1429, Cheikh Yahya rad alayhi. Avec un rad, samma, al-Tambih al-Sadid, ala ma nuqila li Cheikh Ubayd. Et Cheikh Yahya, via de rad, il nabbah Cheikh Ubayd, berifq. Vous allez voir le kalam, on va le dire. Allah berifq wa hikmah. Et il lui démontre, hier, Cheikh, fais attention. Bardanas, ils t'emmènent des paroles que je n'ai pas dites. Bardanas, ils emmènent des paroles, ils coupent. Ils n'emmènent pas tout. Et ça, ce n'est pas minal amana al-ilmiya. Ta'lamoun anna al-amana al-ilmiya, fil rudud wa fil nasa'ih, c'est que tu cites le kalam de la personne. Comment tu le conseilles? Anna, tu cites une partie. Sans citer l'autre qui explique cette partie, la compréhension, elle ne sera pas bonne. Comment ça fait une fitna? C'est ce qui s'est passé. Lakin. Quand il y a des gens, le Cheikh Ubayd ne savait pas. Le Cheikh Yahya, il lui a démontré dans son rad. Il lui a dit, moi j'ai dit telle chose et telle chose. Les gens, ils enlèvent mon kalam. Les gens, ils citent une partie, ils ne citent pas l'autre. Thomas, il lui montre, il lui recite le kalam entier. Qala Cheikh Yahya. Rad Cheikh Yahya, il est l'awwal, min Rabi' l'awwal, 1429. 1429. Donc, juste après le premier rod de Cheikh Ubayd. Wa mimma jaa fi, on en 1429 là, ça fait 6 ans ou akthar. قال الشيخ يحيى à cette époque, فقد قرأت كلمة لفضيلة الشيخ الوالد عبيد الجابري وفقنا الله وإياه. رفق وأدب. Et vous allez voir, maintenant on va suivre les événements et vous allez voir qui c'est qui a commencé à insulter. Qui c'est qui a commencé à être dur alors qu'il ne fallait pas être dur. C'est ton frère. C'est une mas'ala. Vous n'êtes pas d'accord? Comme a dit Allah Azza wa Jalla, فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. Ton qawl n'est pas forcément haq et le mien n'est pas forcément haq. Non. Mas'ala khilafiyya. Emmène tes arguments, je cite mes arguments. Et tout ça, berifq. Bi'adab. La douceur. Je veux pour mon frère ce que j'espère pour moi. Moi, je veux que les frères ils me parlent avec adab. كذلك, tu dois parler à ton frère avec adab. Lakin, celui qui n'a pas de hujja, y'alamouna, celui qui n'a pas de hujja, il s'énerve. Celui qui n'a pas de burhan, celui qui n'a pas de hujja, celui qui sait qu'il commence à affaiblir, il s'énerve. Qala al-Sheikh, faqad qara'tu kalimatan li fadilat al-Sheikh, fadila, il l'a appelé. Al-Sheikh, al-Walid, ça montre l'ihtiram. Ubayd al-Jabri, waffaqan Allah wa iya. Thumma qala al-Sheikh, وأنبه فضيلته ووفقه الله في الدعاء pour lui. قال أن لا يثق لا يثق أي il fait attention de ne pas tout écouter ce qu'il se dit. قال بما قد ينقله إليه بعض المفتونين الذين صاروا حاقدين علينا. لماذا الشيخ يقول هذا؟ لأن 1429 الآن la parole de Cheikh Yahya. Mas'ala avec Cheikh Ubayd al-Jami'a 1429. La fitna de Majr a commencé en 1427, fin 1427, début 1428. Bel 1426, on avait fait al-Burhan al-Naqul, on avait lu des kalab anna Abdullah al-Adani, il avait dit satakun fitna 1426. ستكون فتنة entre الشيخ عبيد et le مشايخ. Moi et mon frère, أي عبد الله العدني, son frère عبد الرحمن et الشيخ عبيد d'un côté, les مشايخ de l'autre. Ça commence là, ça commence avec الشيخ يحيى. Trois ans avant, 1426, un an 1429. الشيخ يحيى ici, هذا. Il sait très bien qu'il y a des gens, ils essayent de faire de la fitna entre lui et Cheikh Ubayd. Ils conseillent. Hein. Ya Cheikh, entabé. Ba'dannas, ils ont du hit alayna, ils ont fait des fitna de maj. Al-an, ils veulent emmener cette fitna al-jami'a. Les malades, les anas, ils savent très bien que Quwat al-Salafiyya avec le Yémen, c'est dammaj. Et qu'Alalik, ils savent très bien que fils Saoudiya, Al-Quwa, elle est à Al-Madina. Et qu'Alalik, des autres villes, fait Riyad, fait Mecca. Lakin, fait Al-Madina, beaucoup de machayikh, beaucoup de tullab. Ils veulent faire une fitna. قال أن لا يثق بما قد ينقله إليه بعض المفتونين الذين صاروا حاقدين علينا بسبب ما بيناه من فتنتهم على الدعوة السلفية في اليمن كعبد الرحمن العدني الشيخ يحيى الآن ما انقع لأن يفوى كالشيخ عبيد الآن يتغير في الحقيقة الجامعة الإسلامية والله ستك كن شوز pour arriver à une autre chose والله أكثر الإخوة فضلا عن طلبة العلم والمشايخ والعلماء ils savent très bien حال الجامعة on va lire بعض الكلام لكن كأنه ils ont cherché une chose pour faire une fitna entre Cheikh Ubayd et Cheikh Yahya كأنهم ils ont cherché هذا أما الجامعة الإسلامية comme on va citer vous allez voir que l'affaire de الجامعة الإسلامية va s'éteindre très vite très vite الحق واضح il était مع Cheikh Yahya on va appuyer le كلام avec كلام بعض أهل العلم que الجامعة الإسلامية فيها ما فيها ثم ça va s'éteindre, ça va passer à autre chose. كأنه il cherchait une مسألة pour commencer avec Cheikh Yahya فقط. الشيخ يحيى إلى هنا الآن يجيب بأدب وبرفق. فلماذا المنصف il reproche pas Cheikh Ubayd نصيحة. Il dit صحيح. الشيخ يحيى il a commencé برفق. الشيخ يحيى il a montré son قول. Il s'est trompé, on le conseille. Il a raison, on n'a pas le droit de rejeter son قول. أبدا. قال الشيخ قال في آخر الرد قال نسأل الله أن يسلمنا وإياكم من جلساء السوء أو من معرة جلساء السوء ولست أقول هذا تهيبا ولكن أقوله نصحا وحبا وحرصا على دوام أخوتنا ومحبتنا في الله وبالله التوفيق في حال conclusion رد إلى في الدعاء qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous écarte des fitnes qu'Allah subhanahu wa ta'ala il écarte les mauvaises personnes de nous et de Cheikh Ubayd et de Cheikh Yahya qala wa lastu aqul hadha tayyiban Cheikh Yahya il a cité il a précisé ah non il dit pas ça parce qu'il a peur ou il craint واحد ابدا لكن كما قال اقوله نصحا نصيحه وحبا c'est son frère Cheikh Ubayd il l'aime billah wa hirsan ala dawam ukhuwatina La fraternité, Cheikh Yahya al-An, il essaye que cette fraternité ne s'arrête pas. Bi hadha al-kalam at-tayyib. Qala wa mahabbatina billah. C'est muhim. Wa billahi at-tawfiq. Et il fait le dua. Allah subhanahu wa ta'ala, at-tawfiq c'est min Allah. Est-ce que Cheikh Yahya al-An, il a essayé à éteindre la fitna? Na'am. Il a essayé d'éteindre la fitna? Na'am. Il a démontré son kalam. Il a répondu à Cheikh Ubayd Birif. Normalement, l'An, la réponse. La réponse que tu t'attends de Cheikh Ubayd, normalement, c'est le rif. Ou alors, il n'est pas d'accord. Il dit, Jazakallah khayr. T'as parlé de rif. Hal jaza'u l'ihsan ila l'ihsan, comme a dit Allah Azza wa Jalla. Et montre ton qawl. La base. Nous, on ne dit pas que Cheikh Yahya, il a raison dans tout. Dans cette mas'ala, la chèque, son qawl est mamni ala d'alil. Lakin, ça ne veut pas dire qu'à chaque fois que Cheikh Yahya parle, il va avoir raison. Là, si tu as un qawl, démontre-le, lui d'alil. Allah, بإذن الله عز وجل, tu trouveras les propres élèves de Cheikh Yahya, ils reviennent au dalil. Et Inch'Allah, Cheikh Yahya, lui-même, il reviendra au dalil, بإذن الله. Lakin, vous allez voir l'ampleur que ça va prendre. Et vous savez, أنتم. ثم, بعد ذلك, ألزم الشيخ عبيد الشيخ يحيى بثلاثة أمور. Cheikh Ubayd, il sort un autre rad. Cette période toujours, 1429. C'est, tout ce lot d'autres, c'est, dans les semaines qui se suivent, c'est très proche. Nous, on était à Dammaj, on a entendu ces rodos de Cheikh Yahya Havidahullah et ses nasa'ih. Il a akhiri, on était présents, walillah alhamd. Faqala al-Sheikh Ubayd, wa la yakun, il a écrit un rad. Thumma qala, wa la yakun al-rujou sahiha minka, ay Cheikh Yahya. الآن يبقى imposer trois choses à شريح يا malgré tout ce que شريح a démontré الآن ولا يكون الرجوع منك صحيحا ولا يكون الرجوع صحيحا منك حتى يتضمن ما يأتي أي démontre شريح يا pour qu'il revienne au حق dans cette مسألة il faut trois choses ما هي قال أولا الثناء على الجامعة الإسلامية بالمدينة وأنها جامعة سلفية مؤسسة على السنة مؤسسة على السنة منذ نشأت حتى اليوم أي يود الشيخ يحيى كي parlons bien de الجامعة حقيقة الشيخ لا الشيخ يحيى له تفصيل إلي معروف إلي طيب إن الجامعة الإسلامية يا دي جون ils ont du خير علماء طلبة العلم يا دي جون ils sont أقوياء البحوث كي sort de cette جامعة les doctorats فيها قوة الشيخ يحيى مرة أذكر on était في دمج Et il parlait des universités islamiques dans le monde. Il y a des jami'at en Syrie, en Afrique, au Maghreb, en Misr, en Saoudia, il y en a beaucoup, au Yémen. Beaucoup de pays, ils ont des jami'at. Thomas Sheikh, il a dit, il a parlé, et il a cité entre autres, « قال الحقيقة les بحوث qui sortent de ces jami'at, كثير منها فيها ضعف فيها تناقضات بعضهم سدي أهل بدع ثم إلى دي أن لبحوث لغشيش كي سقط من الجامعات في السعودية فيها قوة هكذا قال إنصاف صدق لدي جان يزون دي علم سواء جامعة الجامعة محمد بن سعود في الرياض أو في المدينة أو أطر معروف فسموت أن الشيخ يحيى يبنس با أبدا فضلا كي ديز كل جامعة الإسلامية C'est tous des hijbis. C'est interdit d'y aller. Il n'y a pas d'ilm. Abadan. Lakin, un kalam Cheikh Ubayd, qu'annahu il a compris hada. Athana, la première chose qu'il demande, Athana ala al-jami'a al-islamiyya bil Madina. Ya akhi, Cheikh Yahya, hafidahullah ta'ala, il a parlé en bien de l'jami'a et il a démontré qu'il y a hijbiyyi. Et il a conseillé de faire attention. Antal an, montre-nous qu'il n'y a pas de hijbi. Hatta on dit, kalam Cheikh Yahya, sahih. Ya Cheikh, T'as dit que le jami'a via khayl, là qu'il y a des hizbi, et on lui dit là, Cheikh, il n'y a pas de hizbi. En fait, ton kalam, ta précision qu'il faut faire attention à hizbi, il n'y a pas de hizbi. Comment on va faire attention à hizbi? Hada montre, bil adillah. Montre que kalam Cheikh Yahya, il est batil. Cheikh Yahya, hawidahullah, dans le rod qu'il va faire après, il va démontrer à Cheikh Ubayd avec des nukulat, et wallah, ils savent hada. والله كثير منهم في المدينة يساب هذا للزلم اي للبروفيسور اي بعض العلماء كالشيخ محمد بن هادي يعرف هذا انهم الجامعة يا بوكو دو فرير ils ont témoigné des frères qui étaient à Dammaj بعد ils étaient passés par la jami'a et ils ont témoigné ان si tu veux rentrer في si tu voulais rentrer في الجامعة الى الان فيما اعلم t'as une Avant de t'inscrire ou l'inscription, tu as une jalsa, tu as une assise avec les responsables. Et ils te posent des questions, ils étudient ton dossier. Est-ce que tu vas être pris amla? Beaucoup de frères, ils demandent, ou beaucoup de frères, ils ont dit, minhum, celui qui a témoigné, minhum, akhuna adil, as-siyari, rahmatullah alayhi. Houa, minhum, houa, ils témoignent, annahum, t'arrives, t'as ton dossier, et hum, ils te posent souvent une question, ou ils demandent des tazaki, d'où tu viens? Qui sait qui t'a zaki? Qala et des tombards de Medina et témoignent. Si tu cites deux ou trois noms, t'es accepté directement. Minhum, Al-Zindani. Al-Ikhwan al-Dham. Il a été une des causes de la fitna au Yémen avec le gouverneur. Il a appelé à la révolution. Si tu dis son nom, t'es accepté. Si t'es un talib de Zindani et t'as une feuille, t'es accepté. Minhum, Abu al-Hassan. Al-Ikhwan al-Dham. Al-Misri. Cheikh Rabi a rabda alayhi. Cheikh Yahya rabda alayhi. Mon harif, wazih. Si t'as une tazkia de lui, t'as accepté. Minhum al-Maghraoui, au Maroc. Si tu viens avec ces trois tazaki, t'es accepté. Qala al-Akh. J'ai dit Cheikh Mokbel. Khalas. Ils ont dit là, on te rappellera. Hakada. Est-ce que ça montre en al-Jami'a, il n'y a que des salafis? Prends de mage, matalan. Probablement, maintenant, c'était le marquise aussi à la taqwa, mais au lieu. Et voilà aussi, il y avait une personne qui avait un fikr, il était combattu. Peut-être que Marrawahad, il est venu, il avait des afkar de l'Qaïda. Il est venu à Dammaj, Thomas Cheikh, il a eu des informations, il avait des afkar de l'Qaïda, de Ben Laden, il a akhiri. Cheikh, il l'a convoqué, il l'a conseillé, il l'a renvoyé. Renvoyé, il combat le Hizbiyyi. ما بالك انت واحد يا دمات ايدي moi j'ai une thèse via d'Abou Hassan ou Zandani الشيخ يحب الجر ابدا ابدا او واحد واحد يطعن في الشيخ مقبل ابدا ثم الان il faut apparaître ان دمات c'était pas à la sunna et الجامعه على السنه الجامعه الاسلاميه على السنه 100% ابدا حق سي حق حق سي حق اي والله نوصا نوزا تريست هذا بعض الناس يظنون بعض الناس يصنفوا في ليماج كما تعلمون اون غير انتر دماج الجامعه اعوذ بالله من الانحراف ابدا والله نفرح كل جامعه يصون توس على السنه نفرح والله عوام بل ان كافر يغون دون السنه نفرح ما بالك نفخار طلبه علم لكن الحق سي حق سي تيمونياج الان يصون كل بل او نترك سنقرا كلام بعض المشايخ اون لي لي 3 بوين اولا قال دونك بروميير بوين الثناء على الجامعه ce qu'on a cité là on peut pas faire sana mutlaqan tu fais sana celui qui va là qui fait attention en haqiqa l'inscription c'était ala thabat satatab l'inscription satatab واحد من اخواننا اللي في دماجه يمني il est قوي في العلم لماذا لانه لا يطلب العلم ضد مراكز في اليمن خاصه دماج ثم une cause il a voyagé en arabie saoudite il va en arabie saoudite il voulait continuer al dirasa fi al jami'a il est arrivé walillah alhamd il est arrivé le test ils font un test sur le coran alhamdulillah il était hafiz ils ont fait un test dans l'aqida alhamdulillah il a répondu ils ont fait un test dans le fiqh même lui il a témoigné il a dit alhamdulillah toutes les questions j'étais bien walillah alhamd eux-mêmes ils savaient qu'il avait de la quwwa ce talib c'était pas un débutant là ils savaient très bien qu'il avait de l'ilm واحد parmi ceux qui font ce test un des responsables il lui a dit tu viens d'où il lui a dit je viens de Dammaj خلاص تغير il lui a dit qu'est-ce que tu penses de Zandani هكذا شوف est-ce qu'un salafi pose cette question billah alaykoum on ne doit pas s'attacher aux personnes et aux endroits wallah wala wahid il vient de Dammaj il vient d'où il veut il défend la bid'ah on met en garde contre lui s'il ne veut pas écouter c'est ça que dit قال qu'est-ce que tu dis de Zandani قال الأخ سام الحرف الشيخ مقبل رد علي الشيخ مقبل الفونداتور دار الحديث بدمان قال الأخ ce professeur قام il a insulté il a crié là. Pourquoi vous rejetez pourquoi vous critiquez les savants vous êtes في الجامعة alors que الأخ في الحقيقة il a rien fait tu lui as posé une question تأدب اهدى t'es un professeur ou tu viens de من أين ما تريد tu dois t'adab avec le frère l'adab c'est matloub le prophète sallam il a appelé à makarim al-akhlaq tu lui as posé une question il répond tu m'as tassir tu lui as posé une question Zandani il t'a répondu normalement il n'aurait pas dû lui dire qu'est-ce que tu penses Zandani normalement il aurait dû lui dire Zandani moi je l'aime bien est-ce que tu l'aimes bien comme moi Amma'an tu lui poses une question il t'a répondu il lui a dit Cheikh Mokbil rahmatullah alayhi rabta alayhi vikada il lui a montré ses erreurs il lui a dit on te rappellera l'akh il est sorti il a dit khalas il n'y a pas de jami'a comment ils vont le rappeler dans l'inscription il y a eu mouchkila comment ils vont le rappeler ils ne l'ont jamais rappelé al-an hada c'est un responsable al-an hada il fait partie des gens qu'ils acceptent les tollabs à ton avis hada combien de salafis de sa faute ne sont pas rentrés dans le jami'a à ton avis bisabab hada combien de hizbis sont rentrés dans le jami'a الآن نحن on imagine un ikhwani qui vient comme bien Zandani il vient à la jami'a est-ce qu'il va être rejeté على ما ذكر il va lui dire تفضل est-ce qu'une fois qu'il va être dans la jami'a il va se transformer en salafi c'est un ikhwani c'est un munharif et là ce qui peut être guidé lakin min hada al-sinf c'est mawjoud bel il y a des responsables وهذا الآن نحن on est en 1435 الآن والله الحمد نحن on a fini avec cette fitna on démontre فقط il y en a بعض الناس ils ont des إشكالات بعض الناس ils veulent savoir حقيقة تعبونا بعض الناس avec les questions دائما ils ont des doutes بعضهم ils veulent savoir بعضهم on a dit نحن on va tout résumer on propage et celui qui nous demande on dit والله الحمد نحن on a fait telle chose si tu veux notre avis qui est fondé sur l'adilla tu reviens à ces دروس هذا c'est ça le مقصود والله المستعان ثانيا deuxième point اعترافك بالخطأ فيما وصمت به الجامع من الحزبية وتحريم الدراسة فيها. Deuxième point que Cheikh Ubay il impose à Cheikh Yahya, tu dois reconnaître ton erreur et ton erreur comme quoi le jami'a c'est une jami'a hizbiya et ton interdiction de la dirasa. Ya akhi, comment tu veux qu'il reconnaisse cette erreur? Il dit que le jami'a c'est pas tous des hizbi. Comment tu veux qu'il reconnaisse l'erreur? J'ai interdit de dirasa alors qu'il l'a pas interdit. Il a dit celui qui va yantabih. Cheikh Yahya il peut pas délaisser le haq et dire ouais c'est vrai je me repens. Ah, attends, il a jamais dit cette chose. Tu dois démontrer que le jami'a, il n'y a pas de hizbiya, il n'y a pas de bid'a, il n'y a pas de khurafa. Et tous les témoignages qu'on a cités. Wallahi, anna wa'ad al-tullab, quand on a dit, hunak, tullab al-jami'a, ils savent très bien hada. Et ceux qui font le hajj ou l'umra, ils entendent kathir min hada. Wallahi, nous, on était en France, on a, avant cette fitna, on entendait min hada al-kalam. Des tullab al-jami'a et des frères qui faisaient le hajj et l'umra, ils savaient hada. Wahad marra. On connaissait un frère, il est parti à l'Jami'a. Il est parti à l'Umra, al-Hajj, il voulait s'inscrire. Il voulait s'inscrire à l'Jami'a, à l'Islamia. Et il a rencontré un frère qui était talib hunan. Il lui a dit, Akhi, je vais essayer de m'inscrire, qu'est-ce qu'il faut? Il lui a dit, il faut avoir tel âge, il faut avoir tel diplôme, il a akhiri. Comment le frère qui était à l'Jami'a, le talib, il lui a dit, Akhi, entabih, ne parle pas de Cheikh Rabi et de Cheikh Lebouza. Il lui a dit, hakada. Il lui a dit, cite pas leur nom. Limada, le frère qui a le jami'a, il connaît l'état de jami'a. Il sait très bien que si tu dis Cheikh Rabi'a ou Cheikh Fawza, ils vont te rejeter. Aïna al-salafiyya. Ma'ahaza, on ne dit pas qu'il n'y a pas de salafiyya. Abadan. Lakin, dire qu'il n'y a pas de hizbi, le jami'a, elle est à la salafiyya 100% comme au départ, là. Là. Hada abadan. Et hada, on ne peut pas délaisser le haq pour faire plaisir à quelqu'un. On dit, là, c'est vrai, le jami'a, c'est là, abadan. أبدا الحق سالحق والنصيحة للمسلمين سواجب. Donc ce troisième point, ces trois points plutôt, Cheikh Ubayd veut une réponse de Cheikh Yahya. الآن il lui impose. قال لا يكون رجوع صحيح منك حتى يتضمن إلزام. Ton رجوع. رجوع. ما ندري رجوع de quoi, لأن Cheikh Yahya على حق الآن. لكن ton رجوع, ça montre, انتبه الكلام, أنه خلاص Cheikh Yahya est مخطئ. الآن je te mets une étiquette que tu es à la batte, tu es à la khata, pour revenir tu dois suivre mon kalam. Abadan. Qala azza wa jal, va in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa Rasul. C'est pas toi qui dis je suis à la haq en batte, ni moi je dis tu es à la haq ou à la batte. C'est l'adilla qui tranche. Amma l'an ilzam, si tu reviens pas, tu es mauvais. Abadan. Abadan. Et on va voir les contradictions, là, le kalam de Shir, beaucoup de mashaykh ils l'ont. Limada ya que Shir yahyaka ala khata, limada les autres ils le disent. Masha'Allah, c'est kalam mujtahidin, c'est un kalam tayyib, il faut respecter. Quand ce cheikh là, c'est ça le tanaqud qu'on n'a pas accepté. Et en fait, la fitna avec Cheikh Ubayd, elle tourne autour de ça. Et en fait, l'an, qui c'est que mon haqq? Sur le cas du insaf, il connaît la réponse. Qui c'est que le haqq yadin mas'ala? Thumma ba'da dhalik, al-Sheikh Yahya hafidahullah, il a répondu ces trois points. Une risala qu'il a écrit. التوضيح لما جاء في التقريرات العلمية والنقد الصحيح 1429 toujours. Cheikh Yahya a répondu sur ces trois points. Son kalam il est haq, il a appuyé avec les témoignages que j'ai cités quelques-uns des frères, que ce soit d'Algérie, du Yémen et autres, ce qu'ils ont vécu à Al-Jami'a, pour démontrer à Al-Jami'a فيها من هؤلاء. Je ne peux pas me repentir et dire qu'ils sont tous salafis alors que là j'ai des témoignages. Al-An, Cheikh Ubayd doit montrer. Lakin, haqiqa, il faut de la patience fi hada. Haqiqa, celui qui rentre fi hadi al-umur, rad, thumma rad, thumma, les gens ils écoutent, ils entendent, il faut que tu patientes. Lakin, ba'da dhalik, akhraj al-Sheikh Ubayd sharitan. Sheikh Ubayd, il a sorti une cassette, Rabi' al-Awwal, 1429, toujours la même période. Wa ta'ana fi al-Sheikh Yahya hafidahullah. Alors que Sheikh Yahya, il est toujours, yalzam al-rifq. Ya fadilat al-walid. Ya Cheikh Ubayd, kada, kada, entabih te julasa. Et il montre, tombe à la fin de du'a, waffaqak Allah, qu'Allah nous évite les fitans. Continue à la hada, à la fin, bi'idnillah azza wa jal, c'est le haq qui va trancher. Lakin, il a sorti un charit, qala fi, al-akh Yahya salitul lisan, fahish al-qawm, ma yara'a hurmat ahad. Alors que Cheikh Yahya, le mas'ala avec Cheikh Ubayd. Lakin, un, tu vas voir que Cheikh Ubayd va parler que Cheikh Yahya c'est un monstre et il attaque tout le monde. Alors que nous, par rapport à Al-Jami'a, un, entre Cheikh Ubayd et Cheikh Yahya, il y a mas'ala Al-Jami'a, c'est tout. On est toujours en 1429. Est-ce que ce kalam, Al-Munsif, celui qui est juste, celui qui veut le haq, celui qui ne qallade pas, est-ce que ce kalam l'an il est à sa place? Al-Akh Yahya Salit al-Lisan. Il parle mal. Il parle mal. Et il attaque les gens virer le haq. Al-An, on a suivi. Nahnou, alillah al-hamd, à dommage, on a suivi hada. Cheikh, il parlait à al-Kursi. Et on lisait les redoutes. Et wallah, qu'on en a ta'allam. Wallah, on était triste. Anna, ulama, mashaykh, ils sont en khilal. Et on sait ce que ça peut impliquer. Mais le haq, c'est le haq. Wallah, ba'd al-nas, ils pensent que on était content. Abadan. Wallah, un asi, ami, il s'égare. T'es triste, Liana, c'est ton frère. La tafrah, abadan. Bel, tata'ammal fi hal al-kuffar, ça te rend triste. Anna, on s'y ma'ala, ils vont aller finna. Et ils vont regretter et ils ont tout perdu, dunya wa akhira. Fama baluk, un shaykh. Lakin, al-batil, c'est batil. والأخ يحيى صليط اللسان فاحش القول فاحش القول أي الفاحشة سكونيو سي لا بيرفيرسيتي أي الشيخ يحيى إلى دي مو كي سون با طيب نحن اون دوموند سي كوا سي مو كونت إلى دي يا فضيلة الشيخ سي سا فاحش القول كونت إلى دي ولكن أقول قوله نصحا وحبا وحرصا على دوام الأخوة سي سا فاحش القول كونت إلى دي قد قرأت كلمة لفضيلة الشيخ الوالد سيسا فاحش القول لكن دول فين سيسا فرماسيون الآن دول فين والله تبا على بغي شيخ عبيد شيخ يحيى أطر personne est à l'abri de جلساء السوء. C'est pour ça que le Nabi صلى الله عليه وسلم il a mis en garde المرء على دين خليله المرء c'est من الفاظ العموم ça englobe toutes les personnes على دين خليله ça dépend de avec qui tu t'assois عبد الرزاق الصنعاني الإمام صاحب المصنف الإمام أحمد رحمة الله عليه voyage d'Irak jusqu'au Yémen pour profiter de lui. تغير il a eu du تشيع comme ils ont montré l'أئمة تشيع quand il s'est assis avec un chiri تشيع on avait lu son histoire مختصرا dans la kalima qu'on avait fait إن هذا الأمر دين عبد الرزاق الهروي رحمة الله عليه تغير quand lui et son cheikh Daraqutni ils ont rencontré un munharif, l'imam Daraqutni ne savait pas que c'était un munharif, l'imam Daraqutni il a embrassé sa tête. Al-Harawi Taghayyar. Il a vu Daraqutni respecter cette personne, dès que l'imam Daraqutni est mort, il est parti étudier chez Hadas, c'est un Ash'ari. Al-Harawi c'est lui qui a propagé Madhhab al-Ash'ari fil Maghrib. Nord de l'Afrique, le Maghreb c'est lui qui a propagé Hadha al-Madhhab al-Battal. Alors qu'il est à la khayr, lakin Taghayyar avec cette assise. Ni Cheikh Ubayd ni autre, on est à l'abri. Abadan. Abadan, fait taqwa Allah, c'est matloub. Nous on cite ça, limada, li anna ce kalam l'an, anna Cheikh Ubayd, ba'd al-nas, yu'abbounahu ala Cheikh Yahya. C'est le début de la fitna. Tout le il s'est passé ce qui s'est passé. Qala, Cheikh Ubayd, hadahu Allah, law sahibtahu, ay Cheikh Yahya, si tu le fréquentes, 10 sinin, yumkin yuhdimuha fi sa'a. تتعجب ce كلام الشيخ يحيى الان il y a des redoux entre Cheikh Ubayd et Cheikh Yahya c'est brief Cheikh Yahya est-ce qu'il a dit au départ faut dire Cheikh Ubayd abadan il dit Cheikh le walid wallah il lui avait posé la question afkur on était à Damas avant cette fitna et lui ont demandé la question chez Cheikh Ubayd il a dit c'est un savant il combat le bid'ah il combat le mubtadi'a saka il avait un husn al-dhan hakay الان ce كلام Anna Cheikh Yahya, si tu le fréquentes des années, en une heure, une minute, il est capable de tout détruire, cette ukhuwa. La tansa, qu'aul Cheikh Yahya, quand il a dit, wa hirsan ala dawam ukhuwatina. Al-an, qui fait tout l'an pour que cette ukhuwa, elle se casse? Qui c'est qui fait tout l'an pour rejeter al-rifq et l'appel à l'ishtima al-haq? C'est qui? Al-Munsif, il a la réponse. Amma ce kalam, là. Ce kalam, c'est kalam bachar. Ba'd al-Nas, ils ont lu ce kalam. Juste après ce kalam, Wallah, Ba'd al-Nas, ils ont lu, Cheikh Yahya, il est mauvais. Ya akhi, le kalam, pèse-le avec le kitab et le sunnah et avec le waqi'. Al-An, demande des preuves à l'Ada. Cheikh Yahya Hafidahullah, il a des amis, il a des tullab ilm qui étaient avec lui depuis le départ, des mashayikh, des années, et ils sont à la ukhuwa. On a vu le comportement de Cheikh Yahya Allah hatta avec les enfants. On l'a vu. On l'a vu le rifq. On l'a vu dans l'assise. Ahyanan, un nouveau, un ami, il n'a pas de comportement. Et comment Cheikh Yahya lui répond, de rifq. On a vu son comportement avec Ahlul Bilal. Qu'est-ce qu'ils sont à la djahl. Ils ne sont pas tlab l'ilm. Et ahyanan, ils ont des comportements à revoir. Et on a vu le comportement de Cheikh ma'ahum. Ma'ahum. Amma hada l'an, il est qualifié qu'anna. كأنه إلى قد comportement إلى قد علم إلى قد صلى الله عليه من قال في أخيه ما ليس فيه أسكنه الله رطغة الخبأ صلى الله عليه قال لو صاحبته عشر سنين يمكن يهدمها في ساعة ما يبني على الرفق شوف ما يبني على الرفق أي شيخ حيلة قد رفق لا الواقع إلى ردود كي يبي أدباء إلى كلمة كشيخ عبيد إلى ستي أبخس ردود. Ça montre le contraire. Wallahi, c'était mabni ala rifq. Wa ukhuwa. Et nous, on l'a vu les nasa'ih qui donnent. On a vu les nasa'ih qui donnent à Dammaj, on a vu rifq, on a vu patienter. Et ça arrivait à un moment là. La abud bayan al-haq. Qala huwa wa in kana indahu ilmun lakin mahroum al-hilm wal-hikma. Naam. Le Cheikh Ubayd qala hakada. Il dit même si le Cheikh Ubayd a du ilm, il reconnaît qu'il a du ilm. On va voir une contradiction via hada. Il y en a. Quelques mois après, Cheikh Yahya, c'est un souqi, c'est un jahil. Lakin, il dit, indahu ilm. Il sait qu'il a du ilm. Il le sait très bien. Les redoutes, il les a lus. Cette contradiction, on la verra plus tard. Et, al-waqt zahab, demain, bi-idhnillah, on continuera hada. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala, an yajma' kalimat ahl-sunna ala al-haq, wa an yujannibana al-fitan ma zahara minha wa batan. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad, wa alhamdulillahi rabbil alamin. مع تحية دماج افاق.com ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين، لا تركن إليهم، هؤلاء ثعابين.